C'est une maison qu'on avait oubliée. Carla dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre. Le vent se levait lundi, et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre, et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête, et je le sais. Je ne te reverrai pas, et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes. Une petite bleue et une petite blanche, au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour les robes, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David, César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir.